être un artiste et poser mon cul à la télé. Marquer mes sales clips sur M6 et crever. Ta mère patrie.